Selon le journal internet sud-coréen Omae News, 18 formations civiles et sociales, notamment la Solidarité pour le Progrès de Séoul et la Solidarité pour les Droits Civils de Séoul, ont tenu le 21 courant une conférence de presse aux alentours de la Maison Bleue pour exiger des autorités la libération de tous les prisonniers consciencieux à l'occasion du 15 août.